ce monde froid. Regarde des gens et si compliqués. Dans ce monde obscur. Culpabilisant pour ce que tu es. Dans ce monde obscur. Tout ce que je veux c'est qu'on me laisse enfin seul. Dans ce monde obscur. M'aimerai me laisser enfin partir seul. Dans ce monde obscur. Je regarde une dernière fois le soleil. Dans ce monde obscur.